22h, Terra Incognita, on est avec vous jusqu'à minuit. Et quand je dis on est avec vous, ce soir c'est Michel et Bruno. Quoique Bruno, vous n'entendez jamais parler, là, mais il est là quand même. Il est toujours là. Et ce soir, bon, on a quelques petites nouveautés. On va aller faire un tour du côté des États-Unis. En fait, on va se promener pas mal. Angleterre, États-Unis, on a un spécial à 10h30. Là, on va faire un bloc PFM, étant donné que le groupe nous visite exactement samedi prochain. Il nous reste une semaine. Et puis, bien d'autres choses. Ben là, je pense que Jean-François, la semaine dernière, a fait un beau spécial sur la nouvelle programmation de la convention Terra Incognita. Et on va en faire jouer un peu, évidemment, nous ici. On va vous rappeler peut-être les dates et les groupes qui ont confirmé. D'ailleurs, les billets sont déjà en vente, c'est que j'espère qu'ils ont confirmé, parce qu'on va être mal pris. On commence ce soir avec, ça nous vient des États-Unis, de Aaron Clift Experiment, du disque Outer Light, Inner Darkness. Je pourrais peut-être, avant qu'on commence à écouter un peu de musique, juste vous dire que j'ai eu le plaisir de voir King Crimson cette semaine, jeudi. Il y avait comme un show privé ou une générale avant les deux concerts. Et puis, je dois dire que j'ai été assez impressionné. Bruno était là aussi, avec Jean-François et Marc, enfin, toute la troupe de Terra Incognita. Et puis, je dois dire que c'est vraiment impressionnant. Et surtout de voir les trois batteurs à l'œuvre. Ça, c'est... On se demande, est-ce qu'il y en a qui vont s'enfarger dans l'eau? Non, ça rentre vraiment au cœur de tour. Et puis, moi, le seul petit reproche, c'est que je trouve que c'est pas des gars ben jasants, mais ça, ça faisait un petit peu comme fret. Mais quand je dis pas jasant, là, du début à la fin, c'est zéro mot. Il n'y a pas un musicien qui a parlé. Là. C'est... assez surprenant, mais on aurait peut-être pensé qu'à la fin, je sais pas, un merci, bonsoir, on est content d'être à Québec. Eh bien non, c'est rien, rien du tout. Je sais pas comment ça s'est passé vendredi et ce soir. Peut-être qu'ils ont commencé à jaser, mais en tout cas le jeudi, c'est ce qui m'a le frappé. Je m'attendais au moins, mais quand on dit zéro mot, c'est vraiment ça, rien du tout. Enfin... C'est loin d'être assez pour gâcher le spectacle qui était vraiment excellent. Et puis, c'était inespéré aussi de voir King Crimson interpréter du matériel des années 70. C'est une chose qu'on n'avait pas vue depuis Belle Lurette. En fait, il fallait être dans la salle en 71, 72, 73, 74 pour voir ce qu'on a vu cette semaine. Et puis, on revient en musique et... C'est ce que je vous disais, un groupe américain, Aaron Clift Experiment, du disque Outer Light, Inner Darkness. On commence, si Bruno peut mettre la musique. C'est vas-y. Then you walked away. Come back. Let's the light you still resist. Now I'm only left with one wish. Come back. To break. Was I too young, too new, too green to see? I could leave us one day. Maybe I was more. We'll be right back.

settled down since she found Pandora's case. In her hand she holds a note and a sparing tear. Oh, those painful years are all alive and it strikes her down. Singularity of sense, and the words just reappear. They were written long ago. Such a tearfulness, a bitter consequence. Even now, and trying to die. Throw me away. My teacher, I quite let you down. I'm spite of vanishing light fading slowly, I spy those succulent thighs spread before me. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL HD. Une radio haute décibel. Eh oui, haute décibel. Surtout pour Terrain Incognita. Bon, on va jeter un petit coup d'œil avant de passer. On a, comme je vous disais tantôt, on a un petit spécial PFM, étant donné que le groupe va être samedi prochain, donc dans une semaine exactement. Mais avant, on va regarder un peu en arrière. Il y avait Abigail Ghost qu'on vient d'écouter, un groupe américain qui en est à son troisième essai, je pense, sauf erreur. Et puis, je pense qu'ils ont amorcé un virage intéressant là, à mon goût. Là. Ils se détachent tranquillement là, des influences Porcupine Tree. Et puis, c'est beaucoup plus personnel, ce disque-là, qui s'appelle Black Plastic Sun. Et ça nous vient de Louisiane, ce groupe Abigail Ghost, qui est maintenant un trio. Je ne sais pas s'ils sont en mesure de faire des concerts encore, mais enfin, là, ils fonctionnent à trois. Tout juste avant, on avait Sylvan de leur plus récent disque Home. Sylvan qui sera d'ailleurs de la 12e convention Terra Incognita. Ils vont se produire au Centre d'art de la Chapelle le 22 mai avec Unreal City et Kinetic Element. Donc, ça va être une belle journée. Le samedi, on va avoir RPWL ou RPVL, parce que j'aime mieux dire les deux, parce que le groupe a été longtemps connu ici comme RPWL, et puis là, ben, c'est pas la prononciation exacte, c'est RPVL. Donc, samedi, on aurait RPVL le 21 mai avec Abel Gans et Inner Odyssey. Et puis le vendredi, une petite gâterie spéciale, un délice psychédélique. RPVL qui nous présente The Man and the Journey, un concert que Pink Floyd a monté en 1969, présenté pas tant que ça. Et puis le matériel s'est puisé à même Uma Guma et la trame sonore du film More, et c'est strictement ça. Donc, d'ailleurs, les gars le disent eux-mêmes, c'est un petit délice psychédélique, et puis je pense que on va le savourer. On en reparlera de toute façon. Donc, je vous disais tantôt, PFM, donc dans une semaine au Palais Montcalm, et unique concert à Québec. Donc, ça vaut à peine de le souligner. Une semaine, vous avez encore le temps de vous retourner de bord. Et puis, écoutez, je le dis tout de suite, là, on a une paire de billets à donner, mais appelez pas avant que j'aie fini de parler. Donc, aussitôt que le micro est fermé, vous pouvez appeler. On va écouter une première pièce, ça nous vient de leur deuxième disque, Perona Amico. Et puis, on va voir aussi des extraits de The World Became the World et L'Isola di Niente. Donc, PFM, on commence avec Perona Amico. J'ai oublié de vous donner le numéro de téléphone si ça vous intéresse d'appeler pour les billets pour PFM. C'est le 418-640-1586. 640-1586. Thank you. Thank you. Et c'était PFM, un extrait de L'Isola de Niente, qui était paru en italien en premier et puis qui a été représenté en anglais là, sous le titre The Word Became the Word. Mais évidemment, ça a été réenregistré, c'est pas tout à fait identique. Et puis, on avait aussi le deuxième album, Per un amico. Donc, c'était PFM, qui, je vous le rappelle, sera au Palais Montcalm le samedi 21, donc dans une semaine exactement. Et puis, j'en profite pour féliciter notre gagnant, Claude Chamberlain, qui va avoir le bonheur de voir PFM. Et nous, on continue en musique avec, ça nous vient des États-Unis cette fois-ci, de Psychedelic Ensemble. Écoutez, c'est moi qui est dans le champ, là, je me suis comme... j'ai été trop vite, je pense qu'on... C'est de Minstrel Ghost, je pense, donc je me suis trompé, Bruno, c'est j'avoue, c'est moi, là, tu peux me flageller tantôt, là, c'est moi qui me suis trompé, je veux pas te gourer, là, mais bon. Donc, on va y aller avec de Minstrel Ghost, de The Road to Avalon. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibel. Thank you. confirms their existence. What we feel inside us proves they're here to guide us. I hope they'll help in some way, but scared of what they might say. Reflection in the window, eyes like black holes, speak to us by thinking. Look out the window, you will meet them there. The air outside is calm. Parabéns.

life goes unsaid. Sono sta lungo il sentiero Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL 89.1. À Québec. Et de retour, Terra Incognita, Michel et Bruno. dernière demi-heure d'ailleurs. On va jeter juste un petit coup d'œil, parce que je n'ai pas parlé beaucoup, là. Je pense que on s'est gâté musicalement. Donc, on vient d'écouter la Curva di Lesmo, le nouveau projet là, de Fabio Suventi. C'est tout récent, mais enfin, pas tout chaud, mais ça vient de sortir. Avant ça, on avait Abigail Ghost, leur tout nouveau Black Plastic Sun. On avait Sylvan, un autre extrait de Home. Oui, c'est ça. Oui, c'est le second. C'est le second extrait ce soir. Et puis, ça nous vient de Grande-Bretagne, Preacher, de l'album Signals. Et on avait donné le coup d'envoi avec The Psychedelic Ensemble, de Sunstone, leur plus récent disque. Un groupe mystérieux et qui, c'est des musiciens qui s'identifient pas, mais il y a une rumeur comme quoi ce serait des musiciens très connus qui travaillerait sous le couvert de l'anonymat, et je pense qu'ils en sont rendus à leur quatrième. J'ai jamais entendu d'hypothèse plausible, mais enfin, effectivement, à chaque disque, on regarde, puis c'est toujours identifié comme The Psychedelic Ensemble, et aucun... Tous les autres musiciens qui contribuent sont identifiés, sauf le groupe. Donc... peut-être qu'un jour le mystère sera percé, mais c'est en tout cas pour le moment c'est bien conservé. Dernière demi-heure, donc, je disais, on va aller faire un petit tour du côté de l'Espagne cette fois-ci avec un groupe qui a pour nom Exa-Sense, un petit peu space rock, un peu dans le style. J'ai pas eu le temps d'écouter le disque au complet, mais au moins une bonne moitié. Puis ça, mais c'est celle qui m'a accroché, le Supernova. Et puis, bon, on va voir bien d'autres choses, évidemment, jusqu'à minuit. Après ça, c'est l'autoroute. Mais en attendant, on continue, nous, avec Exa-Sense. Et le temps de vous rappeler que c'est Terra Incognita, Bruno et Michel, jusqu'à minuit. Et évidemment, c'est KRL 89.1. Thank you. talk to me. Their silent world hangs above me. Closed off from what little room I had, I cannot move, I can no longer be. Floods of distant ghosts are calling you to be a part of last year's tale. Free of shackles from a real case, we're at our best and we're at our worst. Stay. Oui, bon, ok, je m'entendais pas. C'est déjà temps de vous quitter. Et on va juste identifier un peu ce qui a joué. Ben, en fait, ce qui joue présentement d'ailleurs, The Thief Kitchen, leur plus récent de Clockwork Universe. J'en parlais avec Bruno, ça me faisait penser un peu à un mélange de gentle puis de vieux Yes, là, d'un genre le premier Yes. Et après ça, on avait Monarch Trail, ça nous vient d'Ontario, du disque Sky. Et on avait amorcé avec Exascence, Back to Earth, la pièce Supernova. Ça, c'est un groupe espagnol qui en est à son premier essai. Et puis, ben, restez des nôtres. Il y a Stéphane qui arrive dans quelques instants pour l'autoroute. Et ben, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine pour un autre Terrain Incognita. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Okay. J'essaie de rentrer par infraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essaie de défoncer.